Écartez-vous! Ne restez pas là! Laissez-lui de l'air, écartez-vous! Zed! Oh, Zed! Je t'en supplie, réveille-toi. Oh. Youch. Tu sais, Weaver, tu me dois toujours un dîner. Bébé d'amour. On a réussi, Zed. T'es une sacrée fourmi. Tu nous as sauvé la vie. On s'est tous sauvé la vie. Les amis, non, arrêtez, je vous en prie, vous me gênez beaucoup. De l'autre côté, je me demande si je commence pas à m'y faire. Et voilà, l'histoire classique, un garçon rencontre une fille, le garçon aime la fille, le garçon bouleverse légèrement l'ordre social sous-jacent. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a rebâti la colonie, elle est encore mieux qu'avant, oui, parce que maintenant, on a une immense piscine intérieure. Hein. Bala et moi, au fait, on commence à penser à fonder une famille. Oh, rien d'extravagant, juste quelques enfants. Peut-être un ou deux millions pour commencer. Et moi, eh bien, moi, je vois un nouveau psy. Ah oui, il est excellent. Ah oui, non, il est fabuleux. Il me reconnecte avec mon moi larvaire, ce qui me fait un bien fou. Hein. Et vous savez, eh bien, j'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place, oui. Et elle était exactement là où j'étais, mais la différence, c'est que cette fois, je l'ai choisie. What makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. Of problems, just a toy balloon. They'll be bursting soon. They're just about to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another problem kerplop.